annonce cache la couleur. Prends le micro déterminé à lutter, je suis en colère. Je vois pas la vie en couleur. Dis-toi, je vois pas la vie en rose quand les gens s'entretuent. Voilà pourquoi je vois rouge et que dans ma tête les fils se touchent. J'ai pas que de la bouche, mais c'est elle qui restitue mon cœur au micro. On m'avait dit piston, la vie c'est dur, mais je croyais que c'était mon grand plus dur. Mais au fil des temps, je me rends compte des tortes de la vie qui font du mal à ceux qui comptent. Beaucoup pour nous et tu peux rien. On est français comme les petits Molières, on est la frère, on vole vos terres comme Voltaire. On est des malades mais pas imaginaires. Comme Candide, quand je dis de la fermer, c'est parce que mon rap s'adresse aux sourds et muets. Comme Le Pen ou Maigret. Et ça t'y peux rien. Sur le chemin de la vie, je graisse la chaîne de mon vélo sans zèle. Je graisse tous mes gars contre les patates sans zèle. Je rappe comme une épouse dangereux qu'un vrai zèle. J'ai une idée probablement locale, focalisée sur mon idée vocale. Visée sur nos réduits d'humeur locale. Et donc je roule pour la mentale. A force de percer dans l'espoir, les frères finissent roués dans le noir. Autant de racisme pour les larmes que l'Amérique a fait couler pour leur noir. Ce Trump de New York soutient la scène et marne les armes qui ont tué ces hommes, ces mômes. Sérum physiologique n'arrête pas mes larmes. Caractère psychique sur Trump, je caractérise cette philosophie de charme. A force de percer, trois frères finissent bornés, mais jamais cornés. On est banalisé comme ces flics en maillot jaune. Et comme Armstrong, je suis prêt à décrocher la lune avant que le monde rigole. Et ce bise m'emporte comme une enclume. La parole est aveugle, j'utilise le langage des signes. Béni Pouva, cuit à la peur, MS Soldat et Céline Dill, cracher mes vérités. Pour quand même ma dalle, dans ce monde parallèle, je trace ma diagonale et fantaisie humaine. N'offre plus d'utilité, pour cette décision stupide pour enterrer l'humanité. Les faux MC en plus les faux styles. Mais mon kilométrage se mesure pas par 10 mais par des mille. Tout se tient sur un fil pour tout ce qu'on a fait et pour tout ce que manque peu. Là, au jour après jour, la vie dévie le jeu avec le feu. Nous crame comme les flammes d'enfer, il n'y a plus de solution. On émet les points. Celui I, mec les points d'interrogation, bubble le torse. Pour faire face à la situation, le combat est pas fini. Économiste munitions, pas de sérum pour éviter la contamination. Je suis la commande du rap, je suis là pour remplir ma mission. À l'attention de tous les représentants de réflexion. Vous cherchez la gagne, je suis le problème, pas la solution. La fierté de la nation, sans payer tenir deux fois. Je viens de là aussi, on débat, on n'a pas un tour au bas. Au micro, j'ai les nerfs. Yeah. Pour VRDJS, sans